obligé. Laisse donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 605e émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'émission Taratata. On va écouter deux émissions de Taratata, mais petit historique de cette émission. Taratata, c'est l'émission présentée par Nagui et elle voit le jour le 10 janvier 1993 de façon hebdomadaire. Cette émission a pour but de faire connaître ou reconnaître des artistes du genre pop-rock, même si beaucoup d'autres genres musicaux sont programmés dans Taratata. Dans cette perspective, ces artistes sont invités à interpréter un de leurs titres ou une reprise en direct, seul ou en duo avec un autre artiste. Premier coup d'arrêt en 2000, faute d'audience et de l'émission trop coûteuse. Mais Taratata revient en 2005. Et paf ! Le 31 mai 2013, le groupe France Télévisions annonce de nouveau l'arrêt de l'émission, encore une fois pour des raisons budgétaires. Lors de la dernière émission, Johnny apporte son soutien et regrette une telle décision. Mon cher Nagui, je prends la parole aujourd'hui pour te dire que je suis vraiment désolé, je suis vraiment très très triste que Taratata s'arrête comme ça. C'est injuste. Tu as donné tout ton cœur. Moi, je le sais bien parce que j'en ai fait quelques-unes d'émissions avec toi. Je t'ai toujours vu traiter les artistes d'une façon formidable. Je me rappelle de cette fameuse émission que nous avons fait ensemble avec Mickey Jones et les Foreigners, où on avait fait un bœuf qui avait duré plus d'une heure. Et vraiment, c'est une émission qui va me manquer. Je crains le pire pour la suite parce qu'il n'y a pas grand-chose. Malheureusement, en France, il n'y a pas grand-chose pour aider les jeunes talents. Toi, tu as toujours su aider les jeunes talents. Moi, je suis comme toi, j'aime les nouveaux qui peuvent arriver et qui n'ont pas d'autre solution que ton émission, des émissions comme toi, comme la tienne, pour avancer dans la musique. En tout cas, pour moi, c'est un deuil. Tu sais que je t'aime et je te soutiendrai toute ma vie. Cette dernière émission a été diffusée le 2 juillet 2013. Donc, à la suite, une pétition est créée sur Internet et c'est un succès. L'émission est de retour à l'antenne en septembre 2015 et elle est alors rebaptisée Taratata 100% Live. Elle est diffusée chaque mois en seconde partie de soirée le vendredi. Comptons 4 participations de Johnny Hallyday à Taratata. Le 23 décembre 1994, pour la promotion de l'album Rough Town avec en invité Foreigner et Florent Pagny. Seconde émission, le 5 décembre 2007. Johnny faisait la promotion de l'album Le Cœur d'un Homme avec un tas d'invités. Et Johnny Hallyday a annulé une participation à l'enregistrement de Taratata le 25 octobre 2008. Il avait subi le matin du 24 octobre une petite intervention chirurgicale en clinique par le docteur Delajoux afin d'éliminer une douleur dorsale sans gravité, entre guillemets. Et un an plus tard, le chanteur sera opéré d'une hernie discale par le même neurochirurgien et on connaît la suite. Quatrième participation de Johnny Hallyday dans Taratata, c'était le 6 avril 2011 pour la promotion de l'album Jamais Seul avec en invité M, Yodelis et le groupe Gush. Et le 24 octobre 2015, dernière participation de Johnny Hallyday, c'était pour la 500e de Taratata. Il interprétait les titres De l'amour et Gabriel. Mais ce soir, nous allons revenir sur deux participation de Johnny Hallyday en 94 pour la promotion de Rough Town, et la seconde, ce sera pour la promotion de l'album Jamais Seul. En 94, Johnny était l'invité d'honneur. C'est un Johnny très en forme qui enregistre l'émission le 26 octobre 1994, juste avant ses concerts à la Cigale. De quoi encore roder quelques titres de son nouvel album en anglais, Rough Town. Il y retrouvait en duo Florent Pagny et le groupe Foreigner. Et également avec son vieil ami et complice Mickey Jones. Can't Stop Watching You, Johnny Hallyday, messieurs dames. Allez. Repos. C'est... Ça y est, c'est le taratata de Johnny Hallyday. J'ai chaud. Tu as chaud. Mais ceci dit, je vais dire un truc. Tu as un très très beau blouson, mais j'ai peur que vu la chaleur et l'ambiance dans la salle, il soit un tout petit... Il est beau ce blouson. Hein, ouais. Il est beau. Il est beau, mais... Jean-Claude Dutroux. Ah d'accord. Ok. Fait pour toi, non, sur mesure? Oui, sur mesure, bien sûr. On va faire un petit surprise. Tu veux pas nous, juste nous enlever? Je suis obligé pour... de m'habiller sur mesure, oh, parce que, vu ma carrure. Oh, hey, Mouloud, rends-moi le blouson. Bon, d'accord. Bon, Rough Town, le voici, le nouvel album, enfin l'album que vous connaissez déjà de Johnny Hallyday. Avec bien sûr Can't Stop Wanting You, la première chanson qui a ouvert cette émission. Il y aura I Wanna Make Love to You. Il y aura d'autres extraits de cet album. C'est que. Si je dis que j'ai faim, vous criez aussi? Non, non. Bon. Vous savez ce que. Il va pas vous dire, mais c'est qu'il m'a promis de chanter en duo. Non, avec non, non, moi. Non, non, non, non, non. Mais ce serait quand même le premier à le faire chanter, non? Et... Je pensais pas qu'il y avait autant de gens à la fois qui voulaient la fin ça de ma carrière. Ça va assurer. Je suis foutu. Non, non. Rough Town. Alors, évidemment, le premier réflexe que l'on a quand on a reçu l'album, à part de constater qu'il était en anglais, c'est de se dire, t'arrêtes pas 10 secondes, quoi. Après le Parc des Princes, on s'est dit, tu vas au moins prendre un an de repos, tu vas te calmer, tu vas flâner, prendre des vacances. Non, il faut passer. Au départ, j'étais parti pour prendre des vacances. Ouais. Et puis, je me suis dit, après tout, bon, pourquoi prendre des vacances? Après, on s'ennuie, on prend l'habitude, et puis après, on n'a plus envie de travailler. On n'a plus envie de bosser, tout ça et tout ça. Non, donc... mais ça m'a, ce qui m'a fait plaisir, c'est de faire ça en anglais. J'avais pas l'occasion de le faire avant parce que j'avais pas assez de temps. Puis là, bon, j'ai eu le temps là, de le faire. Tu as déjà chanté en anglais, enfin, des versions, des reprises de tes propres chansons? Non, mais surtout chansons, sur scène, des... oui, surtout voilà. Sur scène. Jamais comme ça, pour un disque. Tu m'as même dit une fois que tu avais chanté en italien, en espagnol, en japonais, en allemand, c'est vrai? Ah ouais, en japonais, il vaut mieux oublier. Hein. Non, sans blaguer, on est entre nous, t'as chanté en japonais? Mais oui, mais phonétiquement, hein, bien sûr. Oui, oui. T'as pas un petit souvenir, là, d'un truc japonais? Non mais... Non, non, non, non, non, je suis incapable de m'en rappeler, non, non. Déjà, j'ai du mal à me rappeler en français. Alors, en fait. Bien joué. Bon, Rough Town, sur cet album, il y a des pointures de la musique américaine. Il y a le producteur Chris Kimsey qui a bossé avec les Rolling Stones, qui a fait évidemment le mix du live de Johnny au Parc des Princes, qui a également travaillé avec, entre autres, les Pretenders, avec In Excess, avec un monde incroyable. Il y a des musiciens qui ont donc travaillé avec les Stones, avec Eagles, Aretha Franklin, avec, je vais en oublier, Rod Stewart, Eric Clapton, enfin c'est des pointures. Et Johnny Hallyday. Et voilà. J'y arrivais. Ça fait partie de tes plaisirs comme ça, de rêve. Les Anglais, les Américains, faut quand même dire un truc, c'est qu'en France, on n'est pas si nul que ça, quoi. Non, mais c'est toi qui étais allé les chercher. Donc, tu avais envie comme ça de t'entourer de pointures. C'est dans un style de musique, j'avais envie de jouer avec des pointures de musiciens qui ont l'habitude de faire exclusivement ce style de musique. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer, de faire une séance, par exemple, de rock and roll, une séance de blues, une séance de variété. Ils font que ça, quoi. Et ça tourne, et ça tourne. On peut les applaudir parce qu'ils assurent grave quand même, ces musiques. Gentlemen, it's for you. Those applause. That's for you, man. Et alors ça, c'est ça. Johnny, c'est le, j'allais dire, c'est le bon côté. On dit ouais, sympa, nouvel album en anglais, d'autres chansons, de nouvelles chansons. Et puis il y a le côté un peu, on commence à avoir peur. On se dit, aïe, il chante en anglais, il veut peut-être partir aux États-Unis, partir à l'étranger, quitter la France, non, pas rester chez nous. Non, j'ai pas l'intention de quitter la France parce que d'abord la France c'est mon pays, je suis français, je me sens français. Ouais. Simplement, c'est que d'abord j'avais envie de faire du blues et pour faire du blues en français, ça sonne pas terrible. Pourtant, il y a une musique que tu aimes, mais oui, vient oui, de là et ça tournait bien. Quoi. Mais c'est normal que celle-là était bien, c'est normal, c'est moi qui l'ai écrite. Alors, yeah. Non, avec Michel Valeri. Oui. Mais arrêtons de plaisanter 5 minutes, c'est simplement c'est que c'est vrai que bon, moi j'aime bien faire des tournées, j'aime bien travailler sur scène. Et qu'une fois qu'on a fait notre tournée en France, bon, il y a quoi, il y a 60 dates, et j'avais envie de travailler un peu plus longtemps, c'est-à-dire faire des tournées de 7-8 mois. T'aimes ça, hein. Et pour ça, non, mais moi j'aime bien, moi j'aime la musique tout court. Moi, c'est pas une question de langue, ni d'anglais, ni de français. Et puis, c'est vrai que pour aller à l'étranger, malheureusement, nous, avec notre langue française, c'est difficile pour les Allemands, pour les Suédois, pour les Anglais de comprendre notre langue, donc il faut chanter en anglais. Donc, j'ai fait cet album en anglais. C'était pour faire un petit peu étranger. Pour montrer quand même à l'étranger qu'en France, on n'est pas si nul que ça, quoi. C'est vrai. Alors, on va en parler aussi dans quelques instants de cet album et des invités de cette émission. Tu es une star impressionnante. Il y a cette magie qui veut que même quand on fait des plaisanteries dans ton dos, quand tu arrives dans une place, tout le monde s'écrase. Non, je suis pas une star. Je suis un chanteur. Tu sais, le mot star. Je peux pour parler. Moi, arrête. C'est une escroquerie. Non, t'es une star. Arrête. Bon, t'es un escroc alors. T'es une star, tu le veux, non, t'es une star, tu es même la seule que l'on ait en France. Mais alors moi, ce que j'aimerais savoir, tu impressionnes beaucoup de gens, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont impressionné, des gens que tu as pu croiser, que ce soit le général de Gaulle ou que ce soit des chanteurs anglo-saxons que tu as pu rencontrer, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a impressionné? Oui, il y a une personne dans ma vie qui m'a énormément impressionné, c'est-à-dire que j'avais un bouquin de lui dans ma poche, j'ai vu une projection privée d'un de ses films. On me l'a présenté après, j'avais tellement le trac, je tremblais tellement, j'étais tellement impressionné que je suis reparti avec mon livre dans ma poche, je n'ai pas osé lui demander de me dédicacer. C'était monsieur Elia Kazan. Ah oui, joli, joli, belle histoire. Je crois que quand on aime quelqu'un, qu'on soit artiste, qu'on soit peintre, qu'on soit écrivain, qu'on soit n'importe quoi, je crois qu'il faut beaucoup de courage pour oser demander un autographe à quelqu'un. Pourtant, il y en a qui viennent te demander des autographes. Bah, ils sont plus courageux que moi. Mignon, d'accord, ok. Johnny, tu as invité des personnes dans cette émission pour chanter avec toi. Il y a beaucoup de chansons de ce nouvel album. Et puis, il y a une chanson, c'est vrai qu'on avait envie d'entendre, de te réentendre chanter en français. Mais oui, de toute façon, tu la chantes sur scène aussi. Oui, je la chante toujours sur scène. J'ai même l'intention de la chanter en Allemagne lors de ma tournée, etc. Ouais. C'est une chanson de mon ami Michel Berger. Ouais. Une chanson qui s'appelle « On a tous quelque chose en nous » de Tennessee. Et comme j'avais envie de chanter cette chanson en duo avec quelqu'un, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui chante très bien, auquel j'ai participé à son album, c'est Florent Pagny. Voilà, et ben on y va. Quelque chose en nous de Tennessee, Johnny Hallyday et Florent Pagny. Et ça se passe dans ta ratata, messieurs, dames. Et une rediffusion sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui le pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, avec tellement de bruit. Quelque chose de Tennessee, ainsi vivait Tennessee. Le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Quelque chose de Tennessee. Une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, dans un éclat. Heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, se rêvons-nous avec ces mots à lui, quelque chose de Tennessee. On l'a fait quand même. Hein. Ah, quand même. Hein. On l'a appris cet après-midi. Enfin, pas toi, mais moi, je l'ai appris cet après-midi. Ouais, mais. Tu me demandes si je suis intimidé. Ah ouais, j'ai vu que t'étais intimidé. Mais comment tu veux pas être intimidé? Vous connaissez, vous avez chanté déjà ensemble. Eh ben, même. Ouais, mais pas celle-là. En plus, il a cherché à te piéger ou j'ai rêvé d'un moment donné? Non, pas du tout. Mais hier soir, je lui ai dit, bon, écoute, on va faire Give Me Some Loving. Et puis aujourd'hui, j'ai fait, bah non, on va faire Tennessee. Ouais. Non, il a fait toute la nuit. J'ai travaillé Give Me Some Loving, et puis arrivé là, on a fait Tennessee. Je dis, bon, Tennessee alors. Bah, c'est pas là, vous allez nous faire Give Me Some Loving. Non, mais je pensais que c'était indispensable aujourd'hui, quand même, de chanter une chanson de Michel. Ouais, elle est sublime, cette chanson. Pardon. Et merci de m'avoir permis de la partager. Merci de m'avoir invité dans ton disque. On va arrêter de se remercier, sinon on va passer encore. Eh ben, merci d'être venu. Il est là, le disque de Florent Pagny, où il y a ce duo avec Johnny, chanson qui s'appelle Jamais. Ça aussi, ça a dû le faire quand même de chanter avec Johnny sur un disque. Parce oui, que mais bon, tu vois, on était plus en intimité, on était que 5-6 dans le studio. On était et tout. Deux dans le studio, oui. Sauf l'ingénieur, mais j'ai eu du mal à chanter parce qu'il chante vachement haut, les gars. Mais moi, j'y suis retourné une deuxième fois, une fois qu'il a eu chanté. Parce que j'ai écouté après, j'ai dit, Pagny, t'es venu en touriste, alors tu vas y retourner. Tu vas sortir ce que t'as dans le ventre, ouais, là, maintenant. Et il a mis la barre tellement haut, j'ai dit, j'y retourne. Comment s'est passée votre première rencontre? Je crois que c'est David Hallyday qui vous a présenté. Ouais, enfin, qui t'a présenté. Oui, c'est vrai, c'est David qui nous a présenté. Je suis arrivé chez lui, j'avais une veste à carreaux, un pantalon à carreaux, et il m'a regardé, il ne me connaissait pas, il m'a dit, comment tu t'habilles comme ça? Et moi, il s'est foutu moi, de ma gueule. Moi, j'étais déjà en cuir, et depuis, ça vient en cuir. Bon, alors, vous avez un point commun musical, c'est que vous avez, toi sur ce dernier album et toi, Johnny, dans un précédent album, travaillé avec Jean-Jacques Goldman. L'occasion aussi de lui faire un clin d'œil, de saluer au passage. Il le mérite. Oui. Et moi, ce soir, j'ai dit à Florent, écoute, on va dîner après l'émission ensemble. Il me dit, ah non, je peux pas, j'ai rendez-vous demain matin à 10h avec Goldman, tu connais Goldman, si jamais j'arrive en retard, il va encore dire, c'est la faute à Johnny. Alors. C'est vrai que j'avais le bon argument, il m'a dit, ah Goldman, alors c'est va te coucher. T'as le droit. Faut pas moufter. Comment t'es généralement dans le boulot, Johnny? Est-ce que tu es plutôt discipliné ou au contraire, tu m'as dit une fois, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression de retourner à l'école. J'aime pas trop être. Non, quand je fais un album, quand je suis en studio, je suis assez discipliné, ouais. Et sur scène, quand tu répètes sur scène? Sur scène, non, bah, je me sens un peu plus chez moi quand je suis sur scène. Ouais. Donc, je laisse un peu plus court à l'improvisation. Mais c'est vrai que quand on va dans un studio, qu'on doit enregistrer des chansons qu'on connaît pas encore très bien, c'est vrai qu'on s'applique beaucoup plus. C'est clair. Alors, autre passion en commun, la moto, la voiture, la vitesse, la mécanique, les Harley, ça c'est. Ouais, je évident. Crois que c'est avec une philosophie. Il est un peu japonais. Maintenant, lui, ouais, donc, je suis passé un peu chez les japonaises. Ah, japonais, ouais, j'avoue. Ah, non, d'accord. Bah, moi, je suis toujours à Harley. Hein. Ouais, mais bon, il y a quelqu'un club, qui s'en occupe. Toujours club. Toujours. D'accord. Toujours fidèle à Harley, moi. Bah, tu fais toujours un club, signe d'amitié aux flics à Saint-Tropez quand tu es mal garé et qu'ils viennent mettre un PV. Mais sympathiquement. Non, mais je les aime bien, ils sont sympas, enfin. Ouais. Si, à Saint-Trope, ils sont sympas. Allez, on va dire, ils sont tous sympas, sauf un. Comme ça, ils se débrouilleront. Voilà. Et ils se débrouilleront, ils se verront entre eux après, plus tard. Alors, Johnny a fait partie d'une bande de. C'était où, la bande de la Trinité quand il était môme. Tu t'as fait partie d'une bande, toi? Non, mais lui, il était pas né encore. Oui. Non, je sais bien, mais. Non, moi, la bande de la Trinité. Non, mais une autre, une bande de jeunes. Non, j'étais bande de... Lonesome Cowboy, moi. C'est vrai? Ouais. Est-ce que Johnny a déjà piqué une moto quand même? Une mobilette. Il a volé. Non, tu l'as volé. Une Vespa. Une Vespa, voilà. Bah, ouais, mais confonds pas. Mais dis pas ça comme ça. Tu l'as volé quand même, la Vespa. Une Harley, ça ne se vole pas. D'accord. Pourtant, t'es mal placé pour dire ça. Mais bon. Mais bon, il y a longtemps. Bon, on enchaîne. On passe à autre chose. Parmi tous les musiciens qui ont joué avec toi dans ta carrière, il y a quand même eu des jolis noms et des jolies carrières qui sont venues après. Il y a eu Michel Polnareff quand même qui t'a accompagné au clavier, notamment pour faire des medley rock à l'Olympia. Au piano. Ça ressemble à un clavier, c'est vrai, mais c'est un piano. Non, mais un clavier, on a plus tendance à dire, on parlait d'un clavier pour dire un piano électrique. Ouais, c'était un vrai piano, c'était un demi-queue, quoi. Ah, pardon, je ne savais pas. Non, mais enfin, c'est pas la peine de penser à ce que tu ne sais, ce que tu n'as pas. Ah, d'accord. Mais non, parce que toi, c'est pas admis. Bon. Toujours, on va rester dans le piano à queue. Et il y avait. On a dit qu'on parlait pas de filles. Hein. Bon. C'est vrai. On va parler de piano. Il y a eu aussi Gilbert Montagnier qui t'a accompagné avant de faire sa carrière. Il y a d'autres musiciens qui ont mal tourné. Hein. Il y en a qu'on a vu, je crois, chez les Musclés aussi. Ça? Non. Non. Il y a pas des... Non. Passons à autre chose. Tu peux parler d'Hendrix, par exemple. Non mais Hendrix c'était un guest. Moi, oui, mais enfin, de ceux qui étaient carrément. Il faut pas être méchant. Il faut gagner sa vie. Oui. Ah bah c'est clair, il ramasse, hein. Ça, je te confirme. Ça, il ramasse grave quand même. Et puis, il y en a un qui t'a accompagné pendant 8 ans, de 66 à 74. Il s'est parti des Blackbirds, c'était le nom du groupe qui t'accompagnait, avec qui vous avez produit, composé des chansons. Depuis, il est devenu une énorme star aux États-Unis et dans le monde entier d'ailleurs. Et c'est. Bah, vous savez qui c'est ? Il est pas loin. Tiens, juste avant d'annoncer. Attendez, non, soyez gentil. On ne dit plus Mickey. Non. On dit Mick Jones. Mick Jones. Alors, en même temps que l'on applaudit Florent pour le remercier quand même d'être venu et d'avoir fait ce duo. Merci à vous. Pour pas l'oublier quand même. Maintenant, on peut y aller, applaudir Mick Jones, Lou Gramm et tout le groupe, c'est-à-dire The Foreigner Rain. Vous écoutez Johnny 2 à Z. L'émission diffuse ce soir deux émissions de Taratata. La première, c'est celle de 1994. Show us who you are. Foreigner dans ce taratata de Johnny. À son invitation, Lou Gramm et Mick Jones, please join us. Bonsoir. Bonsoir. Souvenirs. The Foreigner. Voici l'album. Vous connaissez évidemment White Lie, qui était le premier extrait, qui est toujours le premier extrait de cet album. Il y a Rain, peut-être un futur extrait, en tout cas une chanson extraite de cet album. Ça fait du bien comme ça d'entendre aussi d'autres choses que les singles que l'on entend à la radio. Thanks for singing something else than the single, just to hear what's on your album, Lou. Thanks a lot. Voilà. Non, non, c'est gentil. C'est vrai que c'est sympa. Donc, pendant 8 ans, vous avez travaillé ensemble. Mick parle parfaitement bien français. Oui, je crois, toujours. Oui. Un petit peu. Ah oui, oui. Mick parle aussi bien français que moi, je parle mal anglais. Alors bon. On s'est aidés tous les deux. D'accord. Qui a appris quoi à qui, on ne sait pas. En tout cas, dès l'instant où vous avez quitté les Blackbirds, il y a eu quoi, un an ou deux avant la naissance de Foreigner. Oui, je suis reparti en Angleterre et puis ouais. Ensuite en Amérique. Je me suis retrouvé à New York et tout d'un coup, je me suis dit, bon, il faut qu'un jour Johnny soit fier de moi quand même. Il faut que je fasse quelque chose. Sympa. Alors, est-ce que dans le travail... Je suis assez fier. Faut être clair, il y a une belle réussite quand même de Foreigner. Vous vous souvenez de tous les grands succès comme Urgent, entre autres, et beaucoup d'albums vendus, mais il y a eu un travail autre que simplement accompagner Johnny à la guitare. Il y avait un travail de direction musicale aussi du groupe, un travail des fois de production, même de composition. Non, vous avez travaillé ensemble sur de nombreuses chansons, Johnny. Il y avait Mickey a écrit énormément de chansons pour moi. On dit Mick, Johnny, Mick. Pardon, non mais attends, dans l'intimité, c'est toujours. Ah Mickey, pardon, je ne savais pas. Ouais. Mais passé, quand je parle de la star, je dis Mick. D'accord, ok. Mais Mickey a écrit énormément de chansons pour moi, et tout seul, et avec son ami qui était mon batteur à l'époque, qui s'appelait Toby Brown, qui aujourd'hui, hélas, n'est plus ouais. avec nous. Il nous regarde, à mon avis, il doit être content pour nous, parce qu'il nous regarde de là-haut. Je crois, oui. Et puis, c'est vrai qu'ils ont produit pas mal de chansons, pas mal de disques pour moi également. Il y avait entre autres Ma Jolie Sarah, pour citer l'une des plus... Je cite Ma Jolie Sarah parce que les paroles étaient de Philippe Labro, tu sais que c'est mon patron RTL, donc c'est pour ça que... Oui, je sais, oui. C'est oui, pour oui, ça, je tu vois. Sais, c'est mais je l'ai enfermé pendant un mois dans le studio, d'ailleurs. Qui, Philippe ou... Non, pas toi, Philippe. Ah bon, d'accord. Parle toujours de nous, Philippe. Toujours de nous. Ah, il s'est passé des choses que l'on ne connaît pas ? Quelque chose, oui, des petites choses. Des petites choses, bon d'accord. Mick, il y a eu, à un moment donné, quand tu faisais partie des Blackbirds, il y a eu un concert à l'Olympia, où il y avait une première partie à l'Olympia de quelqu'un que tu as toujours vénéré et respecté, je pense que tu t'en souviens, de ce Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, oui. Rencontrer Jimi Hendrix, ça doit faire quelque chose d'assez étrange. Oh, ça a été formidable parce que nous avons fait une tournée ensemble, c'est-à-dire que nous avons rencontré, Mick et moi, Jimi Hendrix dans une boîte de nuit à Londres. On était avec Otis Redding. Blazers. The Blazers, c'était le Blazers. Et il jouait là, il n'était pas encore connu. Et je lui ai demandé de venir faire une tournée avec nous, en première partie. Il avait pas de travail à l'époque, il m'a dit d'accord. Ah oui. Il est venu avec nous et puis il a fini par jouer aussi avec nous de certains soirs sur scène. Et c'est là qu'il a créé son fameux Hey Joe. Et il a été sur un album aussi, et là c'est toi Mick qui t'en es occupé, de la production, de l'écriture de la chanson avec la présence de Jimi Hendrix sur l'album de Johnny. Non, avec Johnny, oui. J'ai joué le riff, c'est Jimmy qui m'a appris le riff. Et j'étais descendu un soir dans une boîte à Paris, là où jouait Dave Gilmour, qui est dans le Pink Floyd. Pink Floyd, oui. Et je suis entré pour faire le bœuf, quoi. Le bœuf. Oui. Ouais. Le bœuf. Ouais, le bœuf. Le bœuf. Et j'ai dit, est-ce que je peux monter te jouer quelque chose que je viens d'apprendre? Et c'était bien le riff de Hey Joe. De Hey Joe. Donc, nous avons appris tous les deux en même temps. Et si on revivait ce moment-là maintenant ici? Oui, on y va? Allez, Johnny avec The Foreigner. Yeah. Et ce fameux riff de guitare qui est inscrit dans toutes les mémoires, qui est même carrément inscrit dans les mémoires de la musique dans le monde entier, Hey Joe Foreigner et Johnny Hallyday. Thank you. qui nous a aidé pour une heure avec Hey Joe dans l'émission Johnny 2 à Z ici sur RIG. On revisite le Tartata de 1994. The Foreigner avec Johnny Hallyday, messieurs dames, encore plus fort. Je vais plus pouvoir chanter après ça. Ah si, c'est vrai que tu dois chanter avec moi. Non, non, non, non. Oh, c'est facile, c'est facile. Ah, arrêtez. Bon. On est... Alors, c'était très bien, tout ça. Et moi, je trouve que pour 80 ans, quand même, tu vas bien. Hein. Qu'est-ce que tu dis? 80, je dis. Mon petit, tu sais. Bon, bah tiens, puisque tu fais le malin. Ouais, petit con. Le comédien. Va, stop, le comédien. Le comédien. 20 films quand même dans ta carrière. Oui, 20 qui émergeaient. Bon, c'est pas grave. Si, il y a eu les pubs. Mais. Il y a eu 80 films. Il y a eu des participations au début, notamment dans Les Diaboliques. Mais je crois que tu as été carrément coupé au montage, non? Ils ont. Ouais, oui, j'étais tellement bon qu'ils ont dit bah, il va faire de l'ombre aux autres. Alors ils m'ont coupé. Mais le dernier en date, c'était La Gamine, et il y a toujours des rumeurs, on dit oui, non, ils vont en faire d'autres, pas d'autres, alors. Écoute, pour l'instant, je fais une tournée. Et après, et en 95, chante. En 96. Je vais faire Bercy. Ouais. Ouais. Je vais faire Bercy, puis bon, maintenant, pour l'instant, je suis... Bon, c'est vrai que j'ai des propositions, énormes propositions. Énormes. Non, c'est vrai que j'ai quelques propositions, mais j'ai envie de chanter pour l'instant. D'accord. On parlait en plaisantant comme ça de la pub. C'est vrai qu'on t'avait proposé de prendre quelque chose de Tennessee pour faire une pub et t'as refusé. Ouais, alors c'est-à-dire que par respect pour Michel Berger, j'ai pas osé lui proposer et puis j'ai pas pris l'argent parce qu'on m'a proposé beaucoup d'argent, hein, vraiment. Mais c'est même indécent ce qu'on m'a proposé quand même. C'est même gênant de le mais prendre. Mais on m'avait demandé de chanter quelque chose de Tennessee avec La Vache qui rit, alors j'ai pas pu. On a tous un peu de vache qui rit, c'est ça? Coupé, pub, coupé, ça aurait été gênant, ouais. Non, c'est clair. Non, je peux pas, par décence, je peux pas. Pour beaucoup d'argent. Il vaut mieux le café, ouais, t'as raison. Alors, est-ce que... Il y en a d'autres qui vont arriver, là, ou pas? Comment? Je présume que ça aussi, on doit te le proposer régulièrement. Il y a eu les parfums, il y a les vêtements, il y a une histoire de restaurant, ça se fera, ça non, se fera attends, pas, les parfums, les vêtements, c'est pas tout à fait la même chose. Ce sont des choses que j'ai créées moi-même. D'abord parce que les vêtements sont des choses que j'ai créées par rapport à des vêtements que j'avais envie de faire, que j'avais envie de porter, comme je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Alors, pour ne pas citer l'émission... Canal, oui. On a dit qu'on parlait pas. Voilà. Donc, j'ai fait des trucs qui me plaisaient. Et puis, bon, voilà. Quant au parfum, bon, ben, parfum, j'ai voulu faire des parfums qui me plaisaient, que j'avais envie de me mettre. C'est et ça, puis, t'as choisi aussi. Et puis, voilà. Mais ouais. Je veux dire, c'est pas parce que je les mets moins que les autres sont obligés de les mettre. Hein. Et le resto, alors, cette histoire... C'est mon goût personnel. Mais ça tombe bien, on a à peu près les mêmes. Le resto... Tu devais faire, il y avait une histoire de resto, ouais, ben tu voulais alors, monter. Finalement, je me suis aperçu au bout d'un moment que vendre la limonade, c'était pas mon truc. au départ, je voulais pas faire un resto comme ça. Je voulais faire un truc. Il y a un acteur que j'aime beaucoup qui est Mickey Rourke, qui avait fait un espèce de bar à Harley à Los Angeles. J'avais envie de faire un petit truc comme ça, enfin, mais sympa, juste pour le club, juste pour quelques copains qui viennent boire un café, qui viennent boire une bière ou un truc alors, comme tiens, ça. Alors, tiens, tu parles des copains, justement. Et après, on m'a proposé de faire de ça en grand avec des hamburgers. Malheureusement, en France, les périples et les hamburgers, ils savent pas le faire. Ouais, d'accord. Donc autant ne pas le faire quand c'est mal fait, c'est voilà, sûr. Voilà. Tu parles de copains. Je pense que là on se trompe pas si on parle de Michel Mallory. Oui. Avec un livre que tu as préfacé, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, c'est pas un bouquin comme les autres. C'est Michel raconte des tas d'aventures. Qui nous sommes arrivés années. À mon avis, surtout des histoires marrantes de tournée, quoi. Mais à un moment donné, c'est pas la peine de tout lire. Non, mais attends, si, il faut tout lire, Il y a des trucs très sympas. Tu dis simplement ouais, que. Oui, attends, j'ai dit beaucoup de choses, tu sais. Oui. Que c'est un autre regard, pas celui d'un journaliste, encore moins celui d'un biographe, celui d'un complice et d'un ami, ce qui est assez sympa. Et puis tu dis, ça parle de voyage, de musique et des filles. Il y a des photos inédites, il y a. Je sais pas, une humeur, une ambiance, une amitié on est privilégié, on la partage un peu. C'est 15 ans d'amitié sur des enregistrements de disques, sur des tournées, sur des hôtels, sur des galères et des joies. D'accord, au moins c'est précis. Et puis pendant que j'y suis dans les bouquins, là, il y a carrément un bijou, mais enfin, je pense que vous le connaissez si vous êtes fan de Johnny. Il y a ce livre en fer au début et après d'enfer à l'intérieur avec de sublimes photos. C'est Monique Kuznetsov et Gilles Baquet qui sont à la base. Ça c'est un vrai objet, un vrai cadeau pour les fans. Je sais même pas s'il en reste encore d'ailleurs. Ça c'est un livre. Collector. C'est un petit peu comme un album souvenir de photos et de choses comme ça. D'accord. C'est beaucoup plus d'ailleurs photos que texte. D'ailleurs. Si je présente tous ces deux livres en l'occurrence, c'est pour savoir comment tu réagis quand tu lis des choses sur toi, que ce soit dans des livres, dans des biographies ou dans la presse. Il y a certaines choses que j'aime bien lire, par exemple des bouquins écrits par des amis, et puis il y a une certaine presse que je méprise et qui me font du mal quand je les découvre le matin. Exemple, une presse quoi? La presse, tu veux dire? C'est pas la peine de dire non, le nom. Non, mais pour le genre de presse, c'est la presse politique. Des torchons. Elle est paparazzi et tout ça, quoi. D'accord. Quand je dis torchon, tout le monde connaît les titres de journaux, c'est pas la peine de les citer. D'accord, non, on va pas les citer, ça leur ferait de la pub et ils en ont pas besoin, au contraire. Par contre, si vous aimez, si vous avez un tout petit peu de respect pour les artistes que vous aimez, de toute façon, croyez n'achetez pas une ce chose, genre de bouquin. Il ne faut jamais croire ce qu'ils écrivent parce que c'est faux. C'est faux. Ouais. Au moins là aussi c'est clair. Alors quand on s'était parlé longuement dans cette interview sur RTL, tu m'avais dit après le Parc des Princes, je vais prendre un an de vacances. Je lis beaucoup de romans policiers parce que j'ai envie d'écrire un scénario. Alors là, c'est quand même une info cette histoire. Tu écris oui, un scénario? Oui, c'est vrai. Non, j'avais envie de l'écrire. Puis j'ai pas eu le temps parce que je suis tombé sur Chris Kimsey, qui m'a fait chanter en anglais. Donc après, je suis parti à Los Angeles, j'ai fait cet album en anglais, j'ai eu la joie d'y rencontrer tous ces merveilleux musiciens avec lesquels je travaille, qui ont eu la gentillesse avec lesquels de venir, tu t'amuses, tu veux venir dire, avec moi en tournée. Ah, mais on s'amuse aussi, c'est en dehors du boulot. Ouais. Mais on travaille aussi beaucoup. Faut quand même dire les choses comme elles sont. Et surtout, j'ai la joie de travailler avec eux parce que ce sont d'excellents musiciens et, c'est toujours formidable d'aller sur une scène. Ou d'aller dans un studio et de se dire, il n'y a pas de galère, quoi. Ça joue bien derrière. Vous avez remarqué comment, quand je lui pose une question, il parle carrément d'autre chose et il n'a absolument pas répondu à la question sur l'histoire du scénario. Hein. J'ai commencé à parler du film et il a fini en me disant, j'aime beaucoup boire une bière avec non, mes potes. Mais... Alors, mais dis-moi, attends, le scénario. Ça fait 7-8 ans que je dis que je vais faire un album en anglais. Alors, je ne détourne pas la conversation. Ah non, je vais y venir. La pression des ça fait 7-8 ans que je dis que je vais faire un album en anglais, et puis j'ai fait autre chose en attendant. J'ai fait des films, j'ai fait des tournées, j'ai fait plein de choses. Je suis arrivé à faire mon album, bon, au bout de 7 ans, en anglais. Bon, mon livre, j'arriverai peut-être dans les 7 années qui vont venir, peut-être que j'arriverai à écrire mon livre. Enfin, mon scénar, en tout cas, parce que je n'ai pas la prétention d'écrire un livre. Donc tu veux écrire un scénario, est-ce que tu le réaliserais toi-même ou tu le donnerais? Non, j'ai pas le talent pour le réaliser. Non, mais je prendrais un interprète comme toi, par exemple. Tu feras le héros. Il y a Pulitino qui va réaliser le film, si tu veux. On va trouver du monde derrière, en tout cas. Arrête de te moquer, écoute. Je ne moque pas de toi. Moi aussi. Mais pas du tout. Tu chantes avec moi après? Non, je chante pas avec toi. Non. Ce que je tiens à te dire, en tout cas, c'est qu'il y a... énormément de gens qui travaillent sur ce taratata. On est une équipe, on est une famille depuis 2 ans et je tiens à te dire, au nom de tous les gens qui travaillent, par exemple avec Jean-Philippe Bourdon pour les Lumières, avec Kramer pour le son, avec Pulitino pour la réalisation et avec nous dans la prod derrière, que nous, on craque et que on t'aime et je tiens à te le dire les yeux dans les yeux et pas attendre n'importe quoi après, je te le dis. Et qu'on est fiers, très fiers de t'avoir accueilli ici dans ce taratata. J'espère que t'as passé un bon moment. Et j'espère que un de ces quatre, on se croisera encore. Je souhaite. Merci en tout cas. Ben en tout cas, moi et mon groupe, on est très contents d'être là. Super. Eh ben alors, on va finir. Et c'est clair. On va finir comme un mini concert. Tu fais 1, 2, 3, 12, 25 chansons. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ils sont là. Il y a le public et nous, on t'attend. stand it. I wanna make love to you. When the stars fall from the heavens and the rivers have stopped their flow, if you just stop and talk to me, honey, that's when I know. I'm gonna try. Merci beaucoup. it right now. You're addicted to the blues, always getting high. Ooh, nice and time you heal. Those be the words. How'd I hurt me, baby? Or did someone hurt you bad? Taratata, le 23 décembre 1994 pour la promotion de l'album Rough Town. Pour cette chanson, j'aimerais vous présenter une jeune fille qui chante avec moi. C'est un duo, elle s'appelle Tania, vous allez l'applaudir très fort. We have an affair. 1994, un taratata pour la promotion de l'album Rocktown. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit, ici sur RIG. Et là, on va passer donc à l'émission du 3 mai 2011. Toujours en invité d'honneur, Johnny s'éclate dans l'émission Taratata avec son groupe éphémère, composé de Mathieu Chédid, Maxime Nucci et Vincent Polycarpe du groupe Gush. Ensemble, ils interprètent 5 titres, dont 2 de son dernier album Jamais Seul. Apparaît également le nouveau directeur musical et lead guitariste Johnny, Yarol Poupeau. marque chez vous sur France 4, chez vous sur France 2, avec Europe 1, sur Internet aussi, vous le savez, ou même sur vos smartphones. Ce soir, et sur RIG également. Chair de poule, vous pouvez même commencer à taper des pieds. Vous pouvez commencer à vibrer. Prévenez vos voisins. Dans Taratata, il y a Johnny Hallyday. We'll be right back. Johnny est dans ta radada. C'est bon ça! C'est bon ça! Johnny avec un nouvel album. Vous êtes là pour l'accueillir. Il n'est jamais seul. C'est Johnny! Faites du bruit! T'avoir sur ce plateau, vraiment, sincèrement. Bien ne chantez jamais seul. J'ai envie de dire que le moteur finalement de ce nouvel album et ce que tu racontes, Il est là, il est dans ses applaudissements, dans ses cris d'amour, dans ses Johnny, Johnny qu'on tape des mains. On a l'impression qu'on a grandi et vécu toujours au rythme de la musique de Johnny et au rythme de la sortie de tes albums et tes présences. Mais tu le sens bien que t'es pas vraiment seul et qu'il y a cet amour du public qui te soutient en permanence. Tu sens ça. Ce qui est formidable, c'est que le soutien du public fait que, et l'amour du public, je veux dire, fait que cet album existe parce que, avec Mathieu, nous avons chacun, parce que chacun, ils ont des groupes différents, on a fait un groupe, quoi, on a fait un groupe pour faire cet album, et je suis le quatrième du groupe, donc le chanteur du groupe, voilà, et cet album s'est fait comme ça, c'était plus un album d'un groupe que d'un chanteur accompagné par des musiciens. Alors on va en parler justement, et de M, et de Yodelis, et de Gush, et de ces gens qui t'ont accompagné, mais la voix, mais j'ai l'impression, alors chaque fois je suis bluffé, mais est-ce que toi tu la sens différente, soit dans la manière de la placer, soit dans la manière dont tu descends comme ça dans des voix extrêmement profondes à la Johnny Cash, j'ai envie de dire, est-ce que tu la sens différente cette voix? Oui, enfin je m'en sers parce que elle est là, alors donc je m'en sers, mais est-ce que tu t'en sers différemment qu'avant? C'est-à-dire que j'ai plus avec le temps, avec l'âge sans doute, j'ai plus de graves que j'en avais avant, donc effectivement, ayant plus de graves, je m'en sers. Moi j'ai écouté des disques, tu me parles de Johnny Cash, moi j'ai écouté des disques de Johnny Cash quand il avait 20 ans, il n'avait pas la même voix grave qu'il avait quand il a fait Persona de Jesus récemment. Voilà, absolument, bien sûr, ouais. Ouais. Alors cette voix, justement, il y a eu un moment où tu as eu peur de ne plus la retrouver dans sa tessiture, peut-être dans le chant des... Oui, c'est-à-dire que bon, comme il m'était arrivé des petits problèmes, on m'a dit, moi, je sais pas, oui. Non, mais on va pas parler de ça parce que bon, ça c'est... Je préfère laisser les mauvais souvenirs loin. Non, mais la voix. Mais bon, comme on m'avait intubé, ça m'avait esquinté un petit peu les cordes vocales, c'est vrai que pendant 4-5 mois, je pouvais plus sortir de son de ma voix. Et je pensais que mon métier de chanteur et mon métier d'acteur aussi, parce que malgré tout, même quand on est acteur, il faut quand même parler, il faut qu'on vous entende, était fini et que je ne pourrais plus faire le métier que j'aime. Et c'est ce qui m'a vraiment, à un moment donné, fait très mal. Mais et tu as travaillé. Non, mais alors tu as repris un exercice. C'est-à-dire que je me suis rappelé quand j'étais petit que j'avais pris la formule des comédiens qui ont une mauvaise diction. J'avais une très mauvaise diction et c'est un travail avec un stylo dans la bouche et on apprend à prononcer comme ça, articuler les mots. Et je m'en suis servi de la même façon pour faire des gammes et des notes pour sortir petit à petit ma voix. Et au bout de 4-5 mois, ma voix est revenue petit à petit comme ça. En travaillant avec un stylo entre les dents, ouais, et en... Au début, ça faisait... Bon, c'est pas terrible. Mais petit à petit, c'est revenu. Bon, là, elle est grâce bien. À Dieu, là, grâce à Dieu. Elle est incroyable. Elle est super bien. Et puis, tout à l'heure, pendant les répètes, il faut quand même que vous... Sachez que Johnny est venu répéter et a travaillé, et c'est pour ça que j'appelle le taulier, parce qu'on l'a vu travailler pendant les répètes. Il reste le taulier, hein, et c'est lui qui décide quand, comment, à quel moment, à quel rythme, quel tempo, si on s'arrête, si on prend ou pas. C'est vraiment le taulier. C'est-à-dire que la moindre des choses, quand même, c'est que quand on présente quelque chose au public, c'est de les respecter et de faire bien son métier. Oui, mais tu pourrais laisser M diriger, par exemple. Tu pourrais dire, tu es l'arrangeur, c'est toi. Non, mais on est un groupe, alors ouais. Chacun y met du sien. C'est ça, on est un groupe, mais je suis le taulier. Ok, d'accord. Mais c'est bien, je respecte, j'adore. Et ce qui était encore plus sympa, c'est que Johnny est arrivé en disant « Bon, je vous préviens, je force pas sur la voix. » Waouh ! Si ça s'appelle pas forcer sur la voix, t'as fait péter les vues-mètres, mais c'est très bien, change rien. En tout cas, cette voix, elle est toujours là, extrêmement présente, et dans toutes les tessitures, j'ai une voix grave, et ça t'empêche pas de monter, et d'envoyer, comme on dit, ça sera sur scène, ça sera en 2012, il y a même des stades qui sont rajoutés régulièrement, toujours autour de ton anniversaire, 15 juin, 16 juin... Ça, au moins, je suis sûr que j'aurai des amis qui viendront. Et pour en revenir à Jamais Seul, est-ce que c'est justement le fait d'avoir eu trop de monde autour de toi, t'as jamais vraiment été seul depuis tes 15-16 ans, où tu as toujours été entouré, bien ou mal, peu importe, mais avec le temps tu as su faire le tri entre ceux qu'il fallait garder autour de toi et ceux qu'il fallait écarter, mais au bout du compte, il y a des moments où on a l'impression que tu es peut-être extrêmement seul, comme tu le dis dans la chanson, mais avec beaucoup de monde autour de toi. Oui, mais ça arrive à beaucoup d'artistes en général. C'est le prix à payer, ça. Il y a toujours autour des artistes, il y a toujours énormément de monde qui gravitent, qui sont là, qui font beaucoup de bruit. Et puis, c'est vrai que des fois, ça n'empêche pas que au plus profond de soi-même, on peut se sentir très seul, même au milieu de beaucoup de gens. Je parle pas du public, hein, je parle des gens qui gravitent autour de vous, bien sûr. Écoutez un peu ces chiffres quand même. 51 ans de carrière, 1018 chansons, 152 titres, 708 auteurs ont travaillé pour Johnny, 40 disques d'or, 23 disques de platine, 100 millions de disques vendus. Et juste un... énorme, incroyable, 180 tournées, 26 millions et demi de personnes sont allées applaudir Johnny, et ça va continuer puisque maintenant il y a cet album et encore la tournée annoncée avec des dates qui se rajoutent régulièrement. Et je me suis renseigné et je voudrais faire taire aussi les rumeurs sur les prix qualifiés d'exorbitants. Comme dans tous les concerts, il y a des prix qui sont en effet élevés, mais il y a aussi des places qui sont à une cinquantaine d'euros. Donc ça va de 50 euros à 150 euros. Il y en a pour toutes les bourses, si tu me passes l'expression. Aucun vice dans ma phrase, mais simplement tout le monde... C'est avec les spectacles qu'on fait. Avec le matériel et avec les effets spéciaux, enfin avec tout ce qu'on essaie de faire pour que ce soit présentable pour le public. Si je pouvais faire les spectacles gratuitement, je les ferais. Tu l'as déjà fait en plus. Et en plus, je l'ai fait. Si je pouvais faire tous les spectacles, je le ferais. Malheureusement, il faut payer les gens. Les décors coûtent cher, les musiciens, faut les payer. Tu m'as même dit une fois que la différence avec des chanteurs qui partent en tournée aux États-Unis, en Australie et autres, c'est qu'ils peuvent amortir ce qu'ils ont fait justement dans différents pays. Or là, c'est extrêmement concentré sur beaucoup de concerts, mais en même temps sur... Enfin, ce qu'il y a de bien sur cette tournée-ci, c'est que comme j'ai changé de producteur, je peux enfin aller à l'étranger. Tu peux aller manger. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire plus long. Peut-être qu'on pourra, je vais lui en parler d'ailleurs, de rabaisser le prix des places d'ailleurs, puisqu'on va faire les États-Unis, on va faire l'Angleterre, on va faire la Russie, on va faire Jérusalem, on va faire l'Espagne, on va faire plein de pays. Ah bah voilà. Donc, voilà. Donc c'est plus une tournée mondiale. C'est une tournée française, mais également mondiale. Voilà. Dans Taratata, Gilles Verlan et Yann Gralland ont voulu, comme ça, comme je disais, la bande originale de Notre Vie accompagnée par Johnny, ont voulu reprendre les morceaux choisis de Johnny qui nous a accompagnés tout au long de notre vie. Et c'est pas fini. Regardez. Attention, ceci n'est pas un portrait, juste une compilation de quelques-unes de nos archives préférées. Par exemple, ce concert ahurissant de 1963, filmé en Hollande, où vous avez, Johnny, tout simplement, une patate d'enfer. Yeah. Johnny aux antipodes de Georges Brassens, vous croyez ? Eh ben pas du tout. Entre les deux, une grande estime mutuelle. La preuve avec ce document rare de 1962 chez Aimé Mortimer. Bah, il est très sympathique. Et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une efficacité énorme sur le public. Merci, Georges. Bon, alors, Georges, oui. C'est de tenir en public. Johnny. Je ne sais pas, moi je t'admire beaucoup, tu le sais d'ailleurs, je te l'ai déjà dit souvent, je t'ai dit tout à l'heure en coulisses, j'ai chanté des chansons de Georges, j'ai chanté Le Petit Cheval, Le Parapluie. Demain, j'aimerais bien un jour entendre ça. Ah, et puis cette archive fabuleuse, Johnny, avec votre ami Tiki Olgado, qui vous fait des grimaces pendant que vous répétez Génération perdue lors de la tournée 66. En 1971, Johnny, vous êtes invité par Guy Béard et vous improvisez un blues avec votre pote Carlos. Plus cool que ça, je vois pas. Encore plus émouvant, une interview vérité. En face de vous, le journaliste Michel Lancelot. Nous sommes en 1974. Vous êtes mal dans votre peau. Vous avez besoin d'amour. Et Lancelot vous arrache les vers du nez avec un rare talent. J'ai un ami, moi, c'est tout. Un seul. Vraiment. Mon meilleur ami, c'est moi-même. Et vous vous entendez bien ? Ça dépend les joueurs. Quel est ton principal défaut ? Qui penses-tu pourrait te jouer des tours dans ce cas-là ? Je suis assez menteur. Oui, ça je sais, mais enfin je voulais pas en parler. Mais c'est un vice. Je ne peux pas m'en empêcher. T'adores ça, hein? Ah, j'adore ça, tu vas savoir, c'est ce que je préfère. Qu'est-ce que tu aimes chez un homme? Qu'est-ce que tu attends? J'attends qu'il me dise toujours la vérité. Parce que toi, tu lui mentiras toujours. La même année, vous offrez un concert aux pensionnaires du pénitencier de Bochose, en Suisse. Heureusement que ce n'est pas là que vous finirez votre vie, comme tant d'autres gars l'ont fini. Une chanson pour ceux dont l'horizon est le mur sombre et gris des prisons. Pour la déconne, Johnny, vous n'êtes jamais le dernier. Exemple, on vous demande en 1980 de venir faire le mariole avec vos amis Gérard et Gainsbourg. En plus, il y avait une belle bécane, alors pourquoi se priver ? J'ai besoin de personne, Harley Davidson. J'aimerais connaître plus personne, Harley Davidson. On a coutume de dire qu'au début des années 80, votre production discographique était, comment le dire gentiment, quelque peu erratique. L'émission qui vous remet sur les rails du triomphe, on la doit à Antoine Decaune quand il vous emmène à Nashville pour les enfants du rock. Cette fois-là, vous chantez avec Carl Perkins, les Stray Cats et la splendide Emmylou Harris. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? Si l'on croit les vieilles légendes, il a suffi à Moïse de tendre son bâton pour fendre la mer Rouge. Vous, il vous a suffi d'enfiler un blouson lamé pour fendre la foule qui vous attendait pour vos 50 ans au Parc des Princes. Toujours parmi les images qu'on adore, il y a ce moment de pure émotion capté à l'Olympia en 2000. Pensez-moi le soldat. Pour terminer ce très modeste aperçu de nos images préférées, impossible de passer à côté de Johnny fait son taratata de décembre 2007. Tous vos amis étaient au rendez-vous. Tu sais, ça m'a prié. Sur votre album précédent, vous chantiez « Je m'arrête là ». Finalement, on a bien compris que ça ne finira jamais. D'ailleurs, on a retrouvé une interview de 1966 où vous l'annonciez déjà. On a l'impression que tu as vraiment besoin de ton métier pour vivre. Bah, tu sais, si je n'ai pas ça, qu'est-ce que j'ai ? Pas grand-chose. Grâce à vous, depuis près de 50 ans, j'ai vécu des moments formidables. Et vous faites partie de ma vie. Et je ne vous oublierai jamais. Jamais. Merci. Ben c'est nous qui te remercions. C'est nous. Vous allez pas me faire chialer quand même. Qui a commencé? Merci beaucoup. En tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, chacun sait que nous avons, en tant que public, une responsabilité. Voilà, il faut qu'on t'envoie cette dose d'amour pour que ça dure le plus longtemps possible. Sur cet album, allez, replongeons dans la musique, il y a, et l'album ouvre, avec Paul et Mick. Y'a pas de Paul et Mick. Paul, Paul et Mick, Paul McCartney, Mick Jagger, qui font partie des légendes que tu as côtoyées. Ils ont même failli travailler pour toi. Oui, c'est une histoire un petit peu. À l'époque où ils jouaient, il n'y avait pas Ringo encore dans le groupe. C'était un autre batteur qui était batteur. Peter Best. Oui. Ouais. Et j'étais à New York et je cherchais un nouveau groupe. C'est là que je trouve Joe et les Showmen. Et Lee Hallyday, qui à l'époque s'occupait de moi, me téléphone en disant « J'ai trouvé », parce qu'il est américain. je fais avec son accent « Joe, j'ai trouvé un super band qui sont venus de Hambourg spécialement pour auditionner pour toi. » Bon, j'ai dit « Écoute, je suis désolé, mais je viens d'en signer un que j'ai trouvé à New York. » Et donc, ils sont partis dans leur voiture pour « Back to Hambourg ». Et après, j'ai appris que c'était les Beatles. Voilà. Et t'as cru que c'était un groupe bavarois, en fait hein. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que, écoute, le destin, c'est quand même incroyable. Parce que avec le talent qu'avaient déjà les Beatles au départ, parce qu'ils étaient quand même, il y a que vraiment que les grands groupes qui devenaient des grands groupes qui passaient à Hambourg au Star Club. Hein. Ouais. Et est-ce qu'ils seraient devenus les Beatles s'ils m'avaient accompagné? Ou est-ce que moi je serais devenu un Beatles par la suite? On va savoir. Wow. Ouais. Finalement, c'est bien comme ça, quoi. Alors, dans ce texte, Paul McCartney, Mick Jagger, d'accord? Par la suite, ils sont devenus des amis, donc voilà. Bah ça tombe bien. Et puis, il y a le jeu de mots. Paul, polémique. Polémique, oui. Alors, la polémique, elle a... C'est-à-dire que j'ai pas fait John. À cause de... Mais à cause ça marchait du... pas oui, ça n'était pas comme polémique. Il n'y a pas de polémique entre moi là-bas. Non, mais c'est pas moi qui écris les paroles, hein, c'est Austin. Bon. Je sais, mais en même temps, tu les contrôles, ces paroles, et tu les assumes aussi, puisque tu les chantes et tu les portes. Quand les paroles me plaisent, qu'elles me conviennent, bien sûr que je les assume. Mais pour cet album, nous avons longuement parlé ensemble, hein, avec Mathieu, Ossine, sur ce que j'aimais, sur ce que je n'aimais pas, sur les choses qui se passent, sur l'amour, sur la haine, sur tes enfants, sur la fidélité, sur la famille, sur tout ça. Et puis, finalement, de tout ça, il y a des mots qui se sont mis sur une feuille blanche et qui se remplissaient de petit à petit. Et puis, ce sont devenus des chansons par la suite avec des choses actuelles qui sont aussi ma façon de penser aussi. Alors justement, avec le recul, maintenant que toutes ces polémiques sont passées, puisque tu ouvres l'album avec polémique, avec le recul, il y en a eu trop, on a trop parlé, trop de gens ont parlé sans savoir. Parce qu'on a plus parlé de toi. J'ai envie de dire dans les médias, de tout sauf de musique. Et ça, c'est. Ben, c'est-à-dire que oui, les gens parlaient à ma place, et surtout quand j'étais dans le coltard, ça c'est moins qu'on puisse dire, j'étais dans le coma. Mais c'est drôle comme les gens savent tout plus que vous-même. Et ils racontent votre vie, finalement. Et moi, c'est fou, je lis ma vie dans des journaux, comme si les gens l'avaient vécu, alors que finalement, ils n'ont rien vécu du tout. Mais ça, c'est le prix à payer d'être une légende vivante. Oui, je sais d'être... pas, mais des fois, c'est pas c'est ça. Souvent. C'est que, bon, chacun fait ce qu'il veut. Ça t'a saoulé, en fait. Mais je trouve qu'on parle trop de ces choses-là. Sans savoir. Et sans parler de l'essentiel. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler de belles choses. Vous savez que le matin, quand je me réveille, je me dis, ah oh, putain, c'est formidable de respirer. Je respire de l'air pur. Il y a le bonheur. Le bonheur, c'est formidable. J'ai une famille formidable. Je respire, je suis vivant. Je crois que c'est beaucoup plus important que de dire oui, il a été malade, il a fait crever, un tel a fait ci. Bon, on s'en fout. Ouais, d'accord. Ok. On a ouvert l'émission avec Ma Jolie Sarah, qui est une chanson qui a été adaptée par ton ami Philippe Labro. Oui. Tout à l'heure, il y aura Fils de personne qui a aussi un texte Philippe Labro, de oui. Philippe Labro, oui. Il est extrêmement présent. Il a écrit énormément de chansons pour moi et c'est quelqu'un de malin qui a bien su capter les moments de ma vie par rapport aux choses que je pensais aux différents moments de ma vie, disons. Tu sais qu'il a vécu lui aussi la fameuse NDE, c'est-à-dire la Near Death Experience. Alors il a parlé lui d'une lumière blanche qui était. Mais lui, il avait une lumière blanche. Moi, j'ai vu un trou noir. Bon. Ce qui est formidable, en tout cas, c'est que tous les deux vous soyez là Et Johnny et Monsieur Labro, voilà, patron que je salue et que je respecte énormément. Tu vas rejoindre les musiciens qui sont là, qui n'attendent qu'une chose, c'est faire ce que tu aimes, c'est-à-dire buffer, jammer. Et justement, tiens, quand tu as tourné Jean-Philippe et qu'il y a eu une scène qui a été reconstituée à la fin du film, entre différentes prises, il y avait des buffs qui étaient improvisés. Oui, parce qu'on attend, tu sais, comme au cinéma, on attend toujours des heures et des heures. D'abord pour les changements de lumière, des choses comme ça. Et plutôt que d'être assis, vous avez fait des bœufs. On a fait des bœufs pour d'abord parce qu'il y avait quand même un public qui était là. Et il y avait des vrais musiciens surtout qui étaient là avec un vrai matos. Il y avait des vrais musiciens. Oui. Dont Yarol Poupeau, je vous demande d'applaudir. Faites du bruit pour lui. On a joué ensemble toute une nuit. Et ça va continuer ce soir. Va les rejoindre, je t'en prie. Johnny dans Taratata en duo avec M, cette chanson consacrée qui a été un tube en tout cas dans la bouche de Jimi Hendrix, même si c'est pas lui qui l'a composée. Hey Joe, Johnny et M. Y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, dis-moi, viens dire bonjour au tambour en bas. Hey Johnny, moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai plus de monde et j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid et personne dedans. Eh ouais. Hey Joe, dis-moi, si on parlait mais de toi. Et chacun pour soi. Et pour moi, Johnny, il y a toujours une place. Il y a toujours une place, mais pas pour moi. Pourquoi, Johnny, dis-moi. Souffrir. Taratata le 3 mai 2011 pour défendre l'album Jamais Seul. Hey Joe, Johnny Hallyday et M. Et pourquoi il faut attendre 2012? Ça y est, c'est bon, on l'a fait la scène, on y va, allez. Johnny, l'album est là. Qui a dit qu'il y avait un souci? Non, non, il envoie. Et oui, Baryshnikov, hein, va falloir que tu te calmes au niveau du grand écart aussi. S'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que c'est vrai, Mathieu, que Johnny t'a dit est-ce que tu serais capable de jouer comme Jimi Hendrix si tu veux t'attaquer à Jimi Hendrix à propos de Guitar Hero? Il t'a lancé ce défi. Il fait oui, oui. C'est vrai. Oui. C'est-à-dire qu'il aime bien effectivement le jeu. Et moi aussi, donc on s'amuse beaucoup avec ça. Alors après, évidemment, je pourrais jamais me comparer à Jimi Hendrix, qui est mon maître. Et je ne suis qu'un petit élève de Jimi Hendrix. Ah mais tu sais que tu es notre Guitar Hero, tu le sais. Tu sais, même si c'est très sympathique, la petite compète avec Carole à un moment donné. Ouais. Écoute, tu sais l'admiration que j'ai pour Jimi. En plus, d'autant plus que j'ai travaillé avec lui. Mais ton seul problème, s'il te plaît, dis-moi. Attention, dis-moi. C'est que tu n'existais pas encore dans les années 70. Tant mieux pour Jimi. Ah, tu as laissé la place, c'est la classe. Mais tu vois, c'est vrai que c'était très très beau, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Johnny, mais je trouve que le petit film comme ça, où c'est évidemment juste des extraits de ta vie, c'est très émouvant, très bien fait. D'ailleurs, je félicite la personne qui l'a fait. Gilles Véran, Yann Malan. Voilà, comme toujours, ouais, c'est très fort. Tu vois, je t'avais parlé de Georges Brassens l'autre jour. Ouais. Et c'est beau de voir tous ces moments et de voir effectivement cette traversée incroyable et tellement gracieuse, quoi, parce que c'est. Mais ce que vous avez réussi à faire sur cet album, justement, au-delà de cette traversée gracieuse, au-delà ou du moins en plus de ces légendes qui ont été fréquentées, Jimi Hendrix, enfin déjà les Beatles qui ont failli être ton groupe, sauf que ils venaient d'Hambourg et à mon avis ça n'a pas dû aider. L'avion venait de Londres, peut-être que tu aurais écouté les choses différemment. Peut-être, ouais. Côté choucroute qui a mal été digéré. Un, la rencontre avec les Beatles ou la possibilité de bosser avec les Beatles. Deux, Jimi Hendrix qui t'a accompagné sur quelques concerts. Il y a aussi donc ces gens que tu as croyé. Il y avait Mick Brassens. Jones aussi à l'époque. Oui. Qui a fait les Foreigners. Et tu étais venu d'ailleurs chanter en duo avec lui sur ce plateau aussi. Oui, la dernière fois. Absolument. Enfin, l'avant-dernière fois. Il y avait Jimmy Page aussi, bien sûr. Alors justement, d'avoir vu et fréquenté toutes ces légendes, c'est ce qui t'a donné aussi envie, Mathieu, de faire cet album en disant, mais rends-toi compte que toi aussi, Johnny, tu es une légende qui a fréquenté ces légendes, d'où la présence, comme ça en filigrane, des McCartney, des Jagger, des Jimi Hendrix. Ça remet finalement Johnny dans la situation dans laquelle il a toujours été, c'est-à-dire une légende. Maintenant, je pourrais dire, j'ai eu la chance, j'ai travaillé avec Jimi Hendrix, j'ai travaillé avec Jimmy Page, avec Mick Jones, et Mathieu Chedid. Alors, on a lu et on sait que vous avez travaillé à la route, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec un groupe qui se réunissait, qui faisait des prises pratiquement live à l'ancienne, entre guillemets, sur des bandes 3 pouces. Il y a d'ailleurs des éditions, et je montre ce coffret, parce que non seulement il y a évidemment le CD, mais à l'intérieur il y a aussi du vinyle, parce que on a beau dire ce qu'on veut, quand même le son du vinyle restera largement meilleur que le son du CD, et la version vinyle existe. En plus, dans ce coffret, il y a de très belles photos de Jean-Baptiste Mandino. Il y a un DVD documentaire aussi sur le making-of de cet album. C'est un pur bijou à avoir. Que vous soyez fan ou que vous soyez curieux, en tout cas, de ce qui a pu se passer dans le travail de Johnny. Mais moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est dans quel état de trouillomètre tu étais quand t'es arrivé pour bosser avec Johnny. Explique-moi. Parce que je te connais, t'es pas arrivé en terrain conquis. T'es plutôt humble. Dis. Ah non, je t'avouerais que ça t'avais pas peur. Ben franchement, très honnêtement, non. Ben parce qu'en fait, j'ai rien à attendre. C'est-à-dire que j'étais pas demandeur forcément, j'ai rien à attendre non plus. J'ai beaucoup beaucoup de respect, d'admiration, et je suis très fier d'avoir fait ça. Ben déjà pas décevoir, c'est ça la Exactement. Première passion. Oui, mais en fait, bizarrement, dès le moment où tu fais les choses avec cœur, enfin c'est toujours un peu idiot de dire ces choses-là, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que moi, je fais de mon mieux, et par rapport à ça, j'ai rien à me reprocher non plus. Donc, non, j'ai pas peur. Je suis heureux d'être là. Et mais surtout, j'ai dit que, surtout ouais. C'est que on a travaillé les chansons ensemble avant. Déjà, on s'était vu déjà au mois d'août. On avait travaillé au mois d'août ensemble. On avait travaillé à la construction des chansons avec Mathieu et Ossine. Et donc, quand on est arrivé en studio, si tu peux, même si les chansons n'étaient pas complètement achevées, on les connaissait quand même déjà, les chansons. Donc, on est arrivé pour les créer, mais en sachant ce qu'on allait faire déjà. En tout cas, j'imagine bien qu'il y a des moments où il doit être impressionnant. Est-ce que par exemple, il était le taulier, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai vu au répète, il y a un moment où c'est quand même lui qui décide si on y va, si on n'y va pas, si on s'arrête. Oui, non. Attention, parce que quand je dis que j'ai pas peur, c'est vrai que je suis très effectivement impressionné par son charisme comme ça, hors du commun. Et effectivement, pour moi, c'est plutôt inspirant. Mais oui, c'est lui qui, effectivement, quand il arrive dans une pièce, prend l'énergie. Et on est d'ailleurs, ça me fait jouer différemment de la guitare, ça nous fait jouer différemment. Il y a quelque chose comme ça de magnétique qui est très palpable, c'est vrai. Je signale quand même que c'est toi quand même qui m'a inspiré à faire des aigus dans cet album et faire des... Ouais. Chose que ce que je faisais pas depuis longtemps. J'aimerais juste aussi parler de mon ami, notre ami Ossine, qui a écrit les textes. Qui a écrit les textes avec moi, et c'est vrai que c'est quand même grâce à lui aussi que cet album s'est fait, parce que c'est l'impulsion des textes qui ont amené aux chansons, qui ont amené à la musique, qui ont amené à cet univers, etc. Et lui aussi rejoint une longue liste d'auteurs et de producteurs et d'arrangeurs d'albums. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure en annonçant le nombre d'albums qui ont été faits, il y a aussi énormément d'auteurs. 708 personnes ont bossé pour toi, de Michel Berger à Goldman, en passant par M, en passant par David, ton fils, et Philippe Labro dont on parlait également tout à l'heure. Et justement, ça donne l'autre sujet de Gilles Verland et Yann Graland. Merci Mathieu pour l'enchaînement. Tu devrais animer des émissions, t'es trop bon. Voici donc le sujet sur les auteurs qui ont bossé pour Johnny. Au cours de votre prodigieuse carrière, monsieur Johnny, il vous est arrivé de confier la totalité d'un album à un seul parolier. En 71, par exemple, votre ami Philippe Labro signe tous les textes de l'album Flagrant Délit. Mais pas moi! En 73, à l'exception d'un titre, Michel Mallory fournit les paroles de l'album Insolitude, y compris La musique que j'aime et Le feu. Au milieu des années 80, Johnny vous fait mieux encore en confiant les textes, les compos et la réalisation de votre nouvel album Rock'n'Roll Attitude à Michel Berger. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. La recette ayant merveilleusement fonctionné, c'est vers Jean-Jacques Goldman que vous vous tournez pour l'album Gang, qu'il écrit, compose et produit en 1986. Étienne Rodagil, formidable parolier, notamment pour Julien Clerc, Mort Schumann et Vanessa Paradis, signe pour vous, en 1989, la totalité des paroles de l'album Cadillac qu'en prime, il réalise. Et la réalisation de l'album Ce que je sais, qui paraît en 1998, vous faites appel à Pascal Obispo, qui à cette époque transforme en or tout ce qu'il compose et produit. Ce que j'étais, c'était avant toi. Je sais où j'étais, oui, j'y étais sans toi. L'année suivante, pourquoi chercher plus loin, vous jouez la carte de la famille. Votre fils David compose toutes les musiques de l'album 100% et en co-signe la réalisation avec Pierre Jaconelli. Au-delà de nos différences, à force de changer nos silences, maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Aujourd'hui, monsieur Johnny, vous confiez les clés de votre nouveau disque à M. Et c'est d'ailleurs à lui que je pose la question. Dis-nous, Mathieu, qu'est-ce que ça fait de prendre la suite d'aussi glorieux prédécesseurs ? Alors, Mathieu, qu'est-ce que ça fait ? C'est très impressionnant. Très impressionnant. Et On m'avait posé la question, la même question avec Vanessa Paradis aussi, qui avait quand même travaillé avec des grands grands maîtres aussi. Donc c'est-à-dire que j'occulte un peu si tout ça. Si je peux me permettre, moins aussi, mais oui, beaucoup moins. Tu t'es pas posé la question. C'est-à-dire que je me pose pas la question. Je fais sinon, je suis pas calculateur. Moi, je fais les choses comme ça, comme je peux, encore une fois. Et c'est de l'impulsion, c'est une envie, c'est Johnny qui quand même est venu me demander, ce qui est quand même incroyable aussi, c'est le monde à l'envers, mais c'est comme ça. Et puis voilà. Il faut parler de Laetitia, c'est Laetitia qui t'a suggéré. C'est Laetitia qui m'a dit, tu cherches quelqu'un avec qui faire ton album, tu as tellement d'admiration pour Mathieu, ça serait formidable pour toi. Pourquoi tu ne demandes pas à Mathieu? Et c'est vrai que ça a travaillé dans ma tête et je me suis dit qu'elle avait raison. Et puis et finalement, elle a eu raison parce que je lui dois cet album à Laetitia. Enfin, c'est lui qui l'a fait, mais je lui dois ça. Et elle est là, Laetitia, d'ailleurs. Vous pouvez... Merci, Laetitia. Aussi, l'applaudir et le remercier juste à côté d'Ossine, qui était à ses côtés. Vous l'avez entendu. Les valises dans Taratata. Alors, qu'est-ce que le travail, puisque tu as réalisé, produit, c'est quoi l'expression qu'il faut par rapport à l'album avec Mathieu, sur l'album de Johnny avec Mathieu? Oui, j'ai participé à la réalisation. Sur trois titres. Sur l'album. La globalité, enfin avec Mathieu, mais c'est surtout Mathieu qui m'a appelé pour ce projet. Et c'est très très drôle parce que il m'a appelé, il m'a parlé de Johnny et tout ça, et donc je me suis dit putain, Johnny Mathieu déjà c'est quelque chose. Il me parlait déjà de Vincent Polycarpe des Gush, qui est un batteur, que j'adore, ouais. qui a d'ailleurs participé aussi à des chansons dans l'album Cardioïde. Et on s'est retrouvé à une terrasse de café à côté de mon studio. On en a parlé. Et il m'a dit, écoute, il m'est arrivé un truc de dingue. J'ai rencontré Johnny. J'ai écrit déjà 9. Je crois qu'il avait 9 chansons ou 10 chansons en 4 jours. Et donc il m'a dit, toi t'as pas une idée, et puis voilà, et sur un bout de table de chanson, d'une idée de chanson. D'accord. Et donc je vais jouer Jamais Seul, et il a écrit le texte, et en 10 minutes quasiment la chanson est née avec Ossine et Matt, une terrasse de café comme ça. Et de se retrouver dans un studio avec Johnny, c'est quelque chose que tu n'avais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous, non. Ni de producteur, ni de musicien. Non. Et alors, quel sentiment tu as eu, toi? Non, c'était très très fort, mais ce qui était incroyable, c'est que ça s'est passé en fait d'une manière extrêmement simple, ludique. On avait tout de suite des mots-clés comme ça avec Mathieu quand on en a parlé. On parlait d'un disque brut, très live, sans fioriture. C'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure, ouais. Voilà. Tu as aussi travaillé sur La Douceur de Vivre, où il nous parlait tout à l'heure de ce bonheur de se réveiller le matin, de respirer, d'avoir du soleil, d'entendre des enfants. Cette Douceur de Vivre, comme J'ai oublié de vivre aussi, qui était l'une des chansons cultes qui ont pu exister. On a quand même l'impression que ça tout ne s'est pas passé à la terrasse d'un café, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi un contact direct avec lui dans ce travail. Ouais. Évidemment que non, moi c'est comme ça que je suis évidemment arrivé sur ce projet, mais il y a eu un contact humain et une aventure extrêmement forte. Le retour de Johnny en studio, c'était quelque chose de puissant, de le vivre comme ça, de cette manière, de manière live. Alors, dans ce Taratata consacré à Johnny et autour de Johnny, donc Vincent, on a parlé de toi et de ta présence à la batterie. Sur ce concert, enfin sur cet enregistrement, justement, ma question c'est de savoir est-ce que ça va se poursuivre sur scène et en concert après ou pas. On verra. Mystère. Mystère. Tu sais pas encore? On sait pas. En 2012. On sait pas quel sera notre planning nous-mêmes. Ouais. On sait pas. Si vous serez en première partie de Johnny. On sait pas tout ça. Ouais. Il y a vraiment, je te le dirais. Mais je te crois. Quand tu étais en studio avec Johnny, est-ce que tu envoyais des messages, des SMS, à la famille donc et au groupe en disant, vous savez quoi, on est en train de faire ça, c'est trop génial, je suis chez Johnny. Bien sûr, évidemment. Non, mais raconte. Non, mais ça doit être un truc de dingue, non? Il y a eu des photos, ouais. Il y a eu des photos, dossiers, il y a eu tout ça, quoi. Ouais, des pièces jointes, regarde-moi ça. Des pièces jointes, des vidéos, des Skype. Enfin, on a changé, quoi. Ah, le vrai truc de voyou, alors. Bah, ouais. C'est bien. Et Gush va retourner rejoindre aussi bien M que Yaro. Je vous en prie, allez vous installer parce que ils ont besoin de vous pour remettre le feu sur ce plateau dans ce Taratata consacré à Johnny. Je vous représente à nouveau l'album Jamais Seul de l'idole. Sur lequel donc figure notamment Guitar Hero qui va chanter dans quelques instants. Johnny est dans Taratata. Vous avez le son, mais il vous manque l'image. Ça donne envie de vous regarder à nouveau ces images de 1994 et là, actuellement, Johnny, celle de 2011. Dans Tarantata, fils de personne, sûr. Une adaptation et un texte de Philippe Labro. L'album s'appelle Jamais seul. Et là, il est bien accompagné avec vous sur ce plateau. Avec Gush, avec Carole, avec M, Johnny, Guitar Hero. Merci mille fois, c'était un Tarantata exceptionnel, car Johnny est exceptionnel. Porte-toi bien, prends soin de toi, reviens quand tu veux, t'es chez toi, et on sera en 2012 avec toi en tournée. À l'année prochaine. Quand tu veux. Bonne soirée. Ciao, ciao, ciao. Eh Ainsi s'achève cette émission spéciale Taratata Johnny de A à Z ici sur RIG. J'espère que cette émission vous aura plu et que donc vous aurez l'occasion de la réécouter en podcast très vite. Et puis aussi, n'hésitez pas à revisionner toutes ces vidéos, toutes ces bonnes vidéos, toute cette pêche qu'avait Johnny Hallyday lors de ces deux Taratata. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Et juste après le générique, il y aura une petite surprise. Allez, je vous le dis, c'est le nouveau mix que je vous ai préparé, que j'ai édité aujourd'hui sur Facebook. Le remix de Soupçon. Petit à petit, et sans faire de bruit, une ombre s'est glissée entre nous. Après tant d'amour, après tant de nuit, un doute est venu pour tout briser. On fait mourir les rêves avec des soupçons, et un amour s'achève avec des soupçons. Sans le faux, on ment du cœur, on ment des lèvres. On fait mourir les rêves avec des soupçons, et un amour s'achève avec des soupçons. Yeah.